Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme tu vas jouer en Asie, tant pis, j'ai décidé de te faire un portrait chinois. D'ailleurs, merci. D'ailleurs, ce soir, tu manges chez toi ou chinois ? Oh là là là, de mieux en mieux. Alors, si vous connaissez tous le principe du portrait chinois. Hein. C'est avec un objet, non ? C'est pas avec un objet, mais tu peux peut-être le rappeler. Non, j'attendais un nom ou un oui, c'est pour ça. si tu étais voilà, un objet si tu étais quelque chose, n'importe quoi. Par exemple, si tu étais une époque. Une époque ? Oui, une époque. Les années 50. Ah, pourquoi donc ? Parce que j'aime bien tout le style des cuirs, le rockabilly, la banane, tout ça. Cuir moustache, yeah. Moustache. Si tu étais un pays, les années 50. Ouais. J'aime bien. Si j'étais un pays, la France. La France. Si tu étais une maladie. Oh, l'amour. Oh, la maladie d'amour. Bien joué, bravo. Michel Sardou. Si tu étais un métal. Le fer. Ah, oh, le fer. L'adamantium. Mais bien sûr, l'adamantium. Oh. Un ticket de cinéma pour Dans 100 ans. Ouais. Je trouve des bonnes réponses. Si tu étais une odeur. J'ai envie de répondre à un truc, mais que je veux pas dire. Ah, si c'est pour parler de la fille de Turner, on arrête. Non, le mal de Jean-Paul Gaultier. Oh, le mec. Mais tu es sponsorisé pour dire ça? Il faut citer deux autres parfums. Alors, Hugo Boss. Un Bercombi, allez. Voilà. Si tu étais un des sept péchés capitaux. La vanité. T'as cher la gourmandise, la varie. Non, c'est pas un péché. C'est pas un péché. T'as la luxure, l'avarice, la gourmandise. L'envie, la colère. Dis pas qu'on me donne l'envie. L'envie d'avoir envie. Bah t'as pas vu le film Seven ou quoi toi? Mais si, mais au bout d'un moment il y en a quatre qui se passent d'affilée, donc on les retient pas. Il y a la tête de Brad. Non, c'est Gwyneth Paltrow. Non, alors si j'en étais un, je dirais la luxure. Oh. Si tu étais un personnage de fiction. Indiana Jones. Oh, si, comme moi. Vous savez que pour Indiana Jones 3. Si tu étais un film. Indiana Jones. Alors non, si j'étais un film, ouais, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Ah, si tu étais un mensonge. C'est si de l'Arche Perdue. Un mensonge. Je m'en fous de tout. D'accord. Moi, mon mensonge, c'est le chèque est parti ce matin. Et dernière question, si tu étais une émission de radio. Alors là, les Charentaises explosives. Sous la RTL, bien sûr. Merci, Alexis.